Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Plus de 36 000 Burundais non enrôlés en 2018 pour les élections de 2020 ont été enregistrés au cours de l'enrôlement partiel ayant débuté ce lundi. Mais des irrégularités ont été constatées par la Commission électorale nationale indépendante. Nous en aurons aussi une illustration en Provence et Roumongue où notre correspondant s'est fait dire que des enrôlements se sont faits même de nuit. Et grogne de certains agriculteurs de la province Ngozi qui ne cessent de se présenter au bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage avec des reçus attestant qu'ils ont payé de l'engrais, mais rentrent bredouille car les stocks sont vides. Apollinaire Muzagara sera en ligne. Le chemin de fer qui va relier la Tanzanie, le Burundi et la République démocratique du Congo n'aura pas d'impact négatif sur les activités du corridor nord. Les opérateurs économiques devraient plutôt en profiter en aurant l'analyse d'un économiste dans ce journal. Et dans la rubrique « Parle, rassure-moi », on parlera du langage polarisant qui vise la disqualification d'une catégorie de gens. Et c'est dans un contexte de compétition, ce sera avec l'enseignant et chercheur historien, Dr Eric Ndayisaba. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Oh bonjour, je venais de vous le dire, le chemin de fer qui va relier la Tanzanie, le Burundi et la République démocratique du Congo n'aura pas d'impact négatif sur les activités du corridor nord. C'est le point de vue de l'économiste et professeur d'université Jean-Prosper Niyoboke qui appelle les opérateurs économiques burundais à se préparer afin de maximiser les avantages qu'offrira cette voie ferroviaire afin de contribuer à l'amélioration de la santé économique du Burundi. Selon lui, ce projet est une manifestation de bonnes relations qui existent entre ces trois pays. On l'écoute. Je vous dirais que lorsqu'il y a des projets macro comme celui-là que vous venez de l'évoquer, cela témoigne qu'il y a un engagement politique de la part des décideurs des états économiques. C'est une bonne chose, mais aussi au niveau des opérateurs économiques. À mon niveau, moi, je dis que c'est un signe sanitaire, donc c'est un signe d'encouragement, une décision bien d'action pour serrer les acteurs à agir concrètement. Et surtout, là, je parle des producteurs, spécialement les producteurs burundais. Dorénavant, c'est que les Burundais puissent travailler vraiment en sachant qu'ils ne travaillent, qu'ils ne produisent pas pour eux-mêmes. C'est mieux qu'ils se seraient plus un peu une agriculture, je dirais, de production, mais c'est une agriculture de marché. Il faudrait qu'il y ait alors le mot d'ordre de la part de ceux qui accompagnent, de ces acteurs, spécialement au niveau du secteur agricole. Est-ce que ces projets sont réalistes? Est-ce que les financements pourront suivre ces initiatives? Parce qu'à mon niveau, je me dis que des projets macro comme ça, ce sont des projets qui souvent sont accompagnés par certaines institutions financières internationales, voire économiques, qui, du coup, y trouvent l'intérêt pour ces pays-là, l'ensemble, pas uniquement les pays concernés dans ces régions. Pourquoi? Parce qu'une fois que ces corridors y sont, ça donne un plus, même au niveau des politiques, de la politique climatique, ça donne un plus même au niveau des politiques qui font la politique. Et à ce niveau, il pose la question de savoir est-ce que les opérateurs économiques burundais sont-ils associés, réveillés, ou est-ce que le gouvernement burundais, il est prêt avec les projets macro. À mon niveau, je dis que s'il y a une préparation, si les préparatifs vont bon train, alors à ce niveau, on peut se féliciter. C'est une bonne chose. Jean-Prosper Niyoboke, il est économiste et professeur d'université. Grogne de certains agriculteurs de la province Ngozi qui ne cessent de se présenter au bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage avec des reçus attestant qu'ils ont payé de l'engrais mais rentrent bredouille car les stocks sont vides. Ils demandent la disponibilisation de ces fertilisants de type FOMI utilisés pour le sarclage avant qu'il ne soit trop tard. Le directeur AI de ce bureau tranquillise que sous peu cet engrais leur parviendra. Apollinaire Muzagara. Ces cultivateurs indiquent qu'ils se rendent souvent au bureau des agronomes communaux chercher ces fertilisants, mais certains d'entre eux, comme ceux de Maramirundi à commune Busiga rencontrés ce lundi et vendredi passé, préfèrent être informés auprès des responsables du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage, mais rentrent là aussi main vide car les entrepôts sont vides. Certains sont munissés des reçus de paie, d'autres disent que ces derniers ont été remis aux agronomes communes. Parmi ces agriculteurs figurent ceux qui affirment avoir déjà sarclé sans forme. Parle d'énormes pertes. Quant à la production attendue, d'autres ont encore de l'espoir d'utiliser ces engrais Fomi Bagara et Hototahaza au cours de cette saison culturelle A, car, explique-t-il, la pluie est encore abondante en Ngozi. Le directeur provincial AI de l'environnement, agriculture et élevage dit en avoir déjà informé les autorités hiérarchiques du ministère de tutelle. La réponse est, d'après Moïse Bizimana, que très bientôt ces engrais seront disponibles en Ngozi pour les acheminer dans différentes communes de Ngozi. Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme a été saisie par les habitants du quartier Mouwone en zone urbaine de Wouterere qui disent être menacés par les immondices déposés à cet endroit. Affirmation du patron de cette commission dans une conférence de presse tenue ce mardi. Sixte Vignini Muraba demande à tous les services concernés par l'hygiène de régler cette question avant que la santé de cette population ne se détériore. Suivez. Bien sûr que chaque personne a ses droits, y compris même le droit à avoir un environnement sain. On fait toujours des appels au gouvernement pour mettre en place des structures qui puissent aider, mais aussi qui puissent prévenir le chaos. Il faut dire que chaque fois qu'on est au courant, il faut qu'on fasse le suivi. Je sais que même hier, il y a un groupe qui est venu de Buterere à la commission pour plaider à leur cause. Ce qu'on fait, c'est d'approcher. Vous savez que nous avons le troisième rôle de la commission, c'est le rôle consultatif. Nous avons le droit, mais aussi le devoir, d'informer au gouvernement et lui donner des suggestions pour la prise de décision. Bien sûr que tout ça va dépendre peut-être des moyens disponibles, mais j'apprécie quelque chose. Vous savez que ici, il y a, c'est le marais, là-bas près du campus Mutanga, qu'on est en train d'aménager. Quand même, ça montre que quelquefois, si le gouvernement est au courant et qu'il y a les moyens nécessaires, il y a des actions qui peuvent être prises. Il faut qu'on comprenne que leur vie, ça touche la vie du pays. Il faut que leur vie soit protégée comme les autres. Donc, on va faire continuer le lobbying, mais aussi demander aux différents intervenants de pouvoir venir au secours pour ces gens. Contacté à ce propos, le commissaire général de l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction bois en sigle a dit être au courant de cette question. Toutefois, il se garde tout commentaire tout en indiquant que des démarches pour la résoudre sont en cours. Entre-temps, les commerçants du marché de Ruvumera en zone Buyenzi se plaignent des tas d'immondices qui viennent de passer plus de 3 mois dans son marché juste à côté de ceux qui vendent de la viande et des fruits. Ces immondices ont même barré le passage des femmes qui veulent se faire soigner à l'antenne de la Boubef de Buyenzi, se trouvant dans les enceintes de ce marché. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Certains observateurs mandatés par les partis politiques pour suivre l'enrôlement partiel dénoncent ce qu'ils appellent tricherie dans cette activité dans certains centres d'enrôlement en province Rumonge. Dans certains centres des communes Bugarama et Muhuta, par exemple, ce sont des enrôlements nocturnes en dehors des centres d'enrôlement ou plusieurs enregistrements pour une même personne. Jean-Pierre Misago s'est rendu ce mardi au centre Tchachi de la commune Bugarama, un des centres dénoncés. Voici son reportage. L'effectif de 2 personnes inscrites et 2 autres restantes à la fin des activités au centre d'enrôlement de Tchachi Solendi, un effectif qui atteignait déjà 29 personnes inscrites mardi matin avant le début de l'enrôlement, est à l'origine des inquiétudes chez les observateurs nationaux de cette activité. Pour certains, il existerait un autre centre d'enrôlement la nuit et demande à la commission électorale communale indépendante de Bugarama d'annuler cet enrôlement dit clandestin. Pour d'autres, les observateurs qui s'estiment lésés peuvent saisir la commission électorale communale indépendante pour ce cas. Je pense que le biais de la CECI peut résoudre les problèmes ici au lycée communal Changi. Contacté à ce sujet pour une éventuelle réaction, Adrien Dimouvandi, président de la CECI Bugarama, qui s'était rendu sur terrain ce mardi matin, s'est gardé de tout commentaire. Jean-Pierre Misago, depuis Changi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et plus de 36 000 Burundais en ont enrôlé en 2018 pour les élections de 2020 ont été enregistrés au cours de l'enrôlement partiel ayant débuté ce lundi dans une conférence de presse que vient de tenir le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Pierre Claver Kazihisse se dit satisfait des effectifs des électeurs déjà enregistrés. Il déplore malheureusement que certaines listes d'électeurs affichées aient été déchirées par endroits et que certaines gens veulent capricieusement changer de centre de vote en réclamant des transferts. On l'écoute. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour d'activité prévue par la CENI dans son programme de préparation des élections de 2020. Il s'agit, de l'activité d'affichage des listes électorales provisoires et de l'activité, d'enrôlement partiel des électeurs qui n'avaient pas eu le temps de s'inscrire lors du référendum de 2018. C'est vrai, il y a eu quelques petites difficultés, notamment deux ou trois centres où les listes ne sont pas arrivées à temps, mais tout cela a été corrigé. Les listes sont bel et bien là. La population peut les consulter sans aucun problème. Il y a eu aussi un petit contretemps. Il y a eu aussi deux endroits où les listes électorales qui avaient été affichées, n'est-ce pas, ont été déchirées ou subtilisées. Mais cela n'enlève rien à l'affichage parce que les agents d'affichage ont avec eux des listes. Ce qui veut dire que la population peut continuer à aller vers ces agents et ces agents peuvent consulter ces listes électorales pour eux. Concernant l'inscription proprement dite, nous avons des chiffres provisoires. Le 10 décembre, sur toute l'étendue du territoire national, 13 147 personnes se sont fait enregistrer. Hier, le 11 décembre, 22 915 personnes se sont fait enregistrer, c'est-à-dire au total 36 062 personnes qui se sont fait enregistrer sur les deux jours. Nous pensons que ce nombre, c'est un nombre qui reste dans les normes par rapport à ce qui est attendu. J'avais déjà expliqué que, effectivement, la plupart de Burundais se sont déjà fait inscrire. Il y a déjà plus de 5 millions qui sont inscrits. Ça veut dire que le nombre de personnes, de citoyens qui cherchent à se faire inscrire est bas, il est réduit. Donc, il est normal qu'on ne voit pas, disons, des rangs, mais qu'ils viennent quand même. Surtout quand on voit le chiffre provisoire que l'on a de 36 000 en deux jours. Pierre Claver Kazihisse, président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, dont les propos ont été recueillis par Elinibel Nibigira. Et en bref, avant la rubrique « Parle et rassure-moi ». Une machine ordinateur et ses accessoires ont été volés au lycée communal Karoussi, du chef-lieu de la province Karoussi. Cette machine venait d'être achetée par les parents en collaboration avec la direction de cette école en vue de voir comment leurs enfants puissent étudier le cours de TIC, les technologies de l'information et de la communication, au moment où la plupart des écoles de cette circonscription scolaire n'ont pas de machine. Le directeur Léonard Simbandoumé dit regretter que ces malfaiteurs torpillent le projet de développement de cette école, un projet d'achat d'au moins une machine chaque année scolaire, un projet qui avait été arrêté ensemble avec les parents. Il indique avoir saisi la police judiciaire pour enquête de ce cas de vol. Entre-temps, il précise que le veilleur est déjà dans la main de la police. Parle, rassure-moi. Je l'avais annoncé dans les titres, on parle du langage dit polarisant, qui est caractérisé par des mots blessants utilisés par un groupe de gens et adressés à un autre. L'enseignant-chercheur, historien, Dr Eric Ndayisaba, souligne que ce langage a pour objectif de disqualifier une catégorie de gens dans un contexte de compétition. Il précise que ces messages peuvent être lancés entre les partis politiques, les associations et les églises n'ayant pas les mêmes intérêts. Ornella Mucho. Le langage polarisant est utilisé entre deux groupes, soit politiques, soit associatifs, dont leurs intérêts sont totalement opposés. Dans ce cas, les uns préfèrent montrer que les autres sont incapables afin de renforcer son groupe. C'est l'explication de l'enseignant et chercheur historien Eric Ndayisaba qui précise que son langage est souvent utilisé dans un contexte de compétition. Selon toujours lui, cela conduit aux violences de masse. C'est un langage qui peut être de tous les jours. Ce langage peut évoluer dans un contexte de quotidienneté. D'une manière dans la société. Les gens peuvent s'habituer à ce genre de langage. Mais c'est quand on évolue vers une sorte de crise que ce langage peut prendre une nouvelle tournure jusqu'à ce que les gens s'identifient dans les groupes pour former des pôles. La situation peut évoluer de la violence symbolique vers la violence physique entre les individus, entre les groupes. Ça devient en fait le point le plus culminant. Le chercheur Eric Ndayisaba dit que ce langage présente des répercussions sur son auteur. Il faut que les leaders des groupes prennent responsabilité individuelle, responsabilité sociale et morale. Les sociétés observent et l'histoire juge en fonction des actes posés, des paroles prononcées. Parce qu'on est dans une société de l'oralité. L'oral est au quotidien. Ce qui est dit, il est écouté. Le leader qui se lance dans ce genre de fanatisme et de discours d'intolérance, il a une responsabilité devant l'histoire. D'abord, il devait avoir une responsabilité devant la justice. Mais au-delà de ça, il y a la responsabilité devant la société. Les gens diront, tel est le fils d'hôtel. Il y a des gens qui changent le nom de famille pour ne pas porter le nom de son père ou de son grand-père. C'est honteux quand même. Dr. Eric Ndayisaba, le chercheur historien, propose que pour faire face à ce genre de langage, le respect de l'homme et de la dignité humaine devait être considéré dans tous les domaines de la vie.